Yeah, Moha. Wesh, Saïd. Regarde, les jeunes ils partent en cours, ils se déchirent entre eux. T'as vu? Ils ont besoin d'être libres, non? Comme la colombe. Eh ouais, frangin. Yeah. Yeah, yeah. Marseille, El Matador. Soprano. D'un cran, tu peux pas voir Marine danser le zouk avec Frankie Vincent. L'avenir est plus qu'intrigant. À bout de souffle, le vent m'emportera comme Marie Trintignant. Trop lourd, on vient fermer des gueules comme Bonnie P. On n'est pas déféré au parquet des Spurs. Chacun son délire, ma vision d'endemain demeure mystère comme si entre les jambes d'un mandalire. J'ai pas bac plus 6, je demande du taf. On mate comme si j'avais la gueule sur une plage nudiste. Pour être blindé comme les partouches, ça fout la cagoule. Les portes fermées, on a kidnappé passe-partout. Je profite à fond du tapis rouge. Si je coule, tout le monde s'en bat les couilles. Ici c'est pas alerte à Malibu. Je veux pas finir sur le carreau, frérot. Je grandis face à la mer et je t'en fais des chansons comme Calogero. Pas celui de Nelson Mandela. Ici les MC finis comme des brebis chez Marilyn Manson. Ici les jeunes te font sourire avec des Wilkinsons. On aime Noël que si les cadeaux viennent de Patson. Ici les jeunes ne craignent personne. S'aiment comme Maury les frères John. Comme le duc et l'assassin de Lesson. Tu verras ici les flics sont des paparazzi. Les politiques sont des nazis. L'équipe de foot c'est le Brésil. Ici les petits sont tous des Richard Dean Anderson. Veulent une femme voilée avec les seins de Pamela Anderson. Quand les flics les questionnent deviennent bestiales de Baston. Avec leur père de Weston te parle avec des Smith et Wesson. Pour avoir ton sac, ils te refont une beauté à la Michael Jackson. Et si les jeunes se laissent vivre, oublie qu'être libre, ce n'est pas de porter un calibre. Dis-le au petit tapis. Sont difficiles comme les énigmes du père Foura. On se dit qu'on percera si on fait l'auto. Mais dans le crime on plonge pour y sortir comme leur manodou. La jeunesse allume le feu plus vite que Johnny. On squatte les caches pourries par les odeurs de pisse et de vomi. T'es pas vernis trop duc. Marianne a un cancer et moi je rappe pour lui lever sa perruque. Y'a plus d'arabes et de noirs en talk en discothèque. C'est la galère parce que la roue tourne sauf celle du millionnaire. C'est le nouveau millénaire, les jeunes ont les nerfs. Donc déchire comme les suites de David Banner. Ma man, on fait partie de ces rappeurs énigmatiques. C'est dur à dire, tout le monde nous regarde de haut comme Mimi Mati. Des filles Mimi habillées en mini matière, on se doit d'être mature. Construire l'avenir, on sera plein d'oratures.